Légende tessanoise. Un jour, les disciples de Jésus arrivèrent dans une ville. Comme ils avaient beaucoup marché, ils avaient grande faim. Ils entrèrent dans une boulangerie pour y acheter une miche de pain pour 5 sous. La boulangère les demanda d'attendre jusqu'à ce qu'elle eût retiré les pains du four. Quand elle avait ouvert le four, elle constata que les miches qu'on y eut mis étaient 3 ou 4 fois plus grande que d'habitude. Elle en prit une et dit « Je n'ai pas de miche à 5 sous, celui-ci vous coûte 10. » Sans rien dire, les disciples quittèrent la boulangerie. Peu après, ils trouvèrent une autre où tout se passa comme dans la première. Ils entrèrent finalement dans un troisième magasin. Quand la pauvre femme qui y vendait du pain ouvrit le four, elle s'exclama « Oh, voyez comme mes pains aujourd'hui sont grands. Prenez le plus beau. Jamais vous aurez un même pour 5 sous qu'il vous coûte. » Les disciples prirent le pain et après l'avoir partagé entre eux, ils le mangèrent à belles dents. Quand ils furent rassasiés, ils demandèrent leur maître qui les avait suivis partout. « Quelle récompense nous donneront cette brave femme qui nous a vendu un pain pour 5 sous ?» étant 3 fois plus grand que ceux de son prix. Payez les 5 sous qu'elle a demandé, répondit Jésus. Si vous la donniez plus qu'elle demande, vous la pourriez exposer au danger de perdre sa sincérité. Et cela est le bien le plus précieux qu'elle possède, que lui permettra de surmonter toute difficulté qui l'attend. Dans un autre monde, elle trouvera une récompense juste pour tout ce qu'elle aura fait ici-bas.